Millennium 2. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. De Stieg Larsson. Traduction Léna Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation Sophie Bocquillon. Réalisation François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. J'ai fait un voyage dans le temps. Et j'ai plein de choses à raconter. Salah s'appelle en fait Salatchenko. C'est un ancien espion soviétique. Salatchenko est le père d'Elisabeth. Allô ? Boublanski ? Ronald Niedermann, c'est lui l'assassin. Mais tu le prends pour qui, Blanklist ? C'est à la police. Surveillez-la bien, hein ? C'est une petite garce. Salut, papa. Je la connais. Comme si je l'avais faite. La brique de l'air remplie d'essence. C'était futé pour une gamine de 12 ans. C'est Ronald qui a tué Burman ? Oui. Faut que je retrouve Lisbeth avant la police. Où t'es allé le chercher ? C'est ton frère. Je t'en supplie, Michael. Sois prudent. Je vais vous tuer. Tous les deux. Oh, j'ai peur. 15e et dernier épisode. Est-ce que c'est ton frère pendant notre petite discussion? J'ai creusé ta tombe. J'espère qu'elle va te plaire. Allez! J'ai toujours aimé la nuit. Tu trouves pas qu'il y a une atmosphère particulière? Des odeurs? Des vibrations dans l'air. On y est. Bon. Je devrais dire quelque chose. Une belle phrase d'adieu. Mais je manque d'inspiration. Ça tombe bien. Moi non plus, j'ai rien à te dire. On en finit. Allez, viens là. Je suis seulement heureuse de savoir que les flics vont bientôt arriver. Te fatigue pas. Je sais que t'es venue seule pour me tuer. T'as rien dit à personne. Je peux te montrer quelque chose? Fais attention, je t'ai à l'œil. Tu vois, Spalm? Tout ce que tu me dis depuis une heure est déjà en ligne sur le web. Prends ce truc, René. Elle est là, salope. En pleine tête. Ça m'étonnerait qu'elle bouge encore. Elle m'a pété le nez. Crétin. Cette sale pute a failli s'en tirer. Qu'est-ce que t'attends maintenant? Allez, va la chercher. Mets-la dans le trou. Rebouche-moi ça vite fait. J'ai froid. J'ai envie d'un bon feu de cheminée et d'une petite bière. Modig. Je suis désolé de t'appeler si tard. Tu dormais? Non. Je relisais le rapport de 91. Comme moi. Je voulais ton avis sur les derniers événements. Pour savoir si on réfléchit dans le même sens. Gunnar Björk a fait interner Lisbeth Salander. Parce qu'elle avait essayé de protéger sa mère d'un assassin qui travaillait pour les services secrets. Il s'est fait aider par Peter Teleborian, qui s'est arrangé pour la faire passer pour une malade mentale. T'en penses quoi? J'arrive à la même conclusion. Ça n'a plus rien à voir avec notre première version. En plus, ça explique pas mal de choses. Tout devient logique. Tu peux passer me prendre demain matin à 8h? Demain? Tu veux dire tout à l'heure? Oui. On va aller à Smadalareux. Il faut qu'on ait une petite conversation avec Björk. Il est chez lui en arrêt maladie. Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas, rien de grave, je pense. Sinon, il sera à l'hôpital. Je me réjouis à l'avance de cuisiner ce type. Alors, bonne nuit. Bonne nuit. T'inquiète pour Michael, hein? Ouais. Tu devrais appeler la police. Non. J'ai promis à Michael d'attendre. Lars, il y a autre chose. Quelque chose que j'ai dit à personne. Quelque chose que tu pourrais dire à ton mari? Ouais. Je t'écoute. Le directeur du Morgan Posten m'a proposé le poste de rédactrice en chef. J'ai accepté. C'est un truc énorme, félicitations. Je comprends pas pourquoi tu n'as rien dit. Mais j'ai l'impression de trahir Michael et toute l'équipe de Millennium. Michael comprendra, c'est une chance formidable pour toi. Je suis très fier de ma femme. Saloperie de train, 2 heures de perdu. Je vais faire un numéro spécial de Millennium sur les chemins de fer suédois. Merde, Truckerna, je me suis trompé. Bon, allez, demi-tour. Armanski, tu sais tout maintenant. On devrait appeler Boublanski. Non, ni Boublanski ni personne. Laisse-la faire ce qu'elle a à faire. Elle est grande et c'est sa vie. Mais elle va essayer de tuer son père. C'est possible. Ou alors Salatchenko va essayer de la tuer. C'est possible aussi. Et on va juste attendre, les bras croisés. Je n'ai jamais eu de sympathie pour les gens qui se substituent à la loi, mais là... Personne plus que Lisbeth n'a jamais eu autant de bonnes raisons de le faire. Armanski, ce qui va se passer cette nuit est écrit dans les étoiles depuis la naissance de Lisbeth. La seule chose qu'on peut faire, c'est savoir comment l'aider si elle en sort vivante. Tu as peut-être raison. Et si elle en sort vivante, elle passera peut-être les 10 prochaines années de sa vie derrière les barreaux. Ça aura été son choix, et je continuerai d'être son ami. Je ne savais pas que tu avais une vision aussi libérale de l'être humain. Moi non plus. Entrons. Il fait un peu froid. Maman. de l'heure. De l'essence. Brûlez, papa. Maman. Je vais brûler, papa. Jamais de mal. Papa. fatiguée. Dormir. Il faut que je dorme un moment. Lisbeth, ne meurs pas. Non. Foutu. Non. Le mist. Lisbeth. C'était Millennium 2 de Stieg Larsson. 15e et dernier épisode. Avec Anne Kodja, Lisbeth Salander, Christophe Raymond, Michael Blomqvist, Philippe Lofredo, Alexander Salatchenko, Jochen Hegele, Ronald Niedermann, André Marcon, Yann Boublanski, Johanna Nizar, Sonia Modig, Marie Payen, Erika Berger, François Hatt, Lars Beckmann, Miglen Mirtchev, Dragan Armansky, Pierre-Yves Desmonceaux, Holger Palmgren. Et la voix de Netta Lando. Musique originale de Krishna Levy, interprétée par l'Orchestre National de France, dirigée par Didier Benetti. Prise de son musicale, Vincent Viltard, Cyril Bécu, Bruno Mourlan et Pierre Quintard. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, François Christophe. Millennium 2 est publié chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs, la musique de Krishna Levy aux éditions Amélie.